Jamais Laure n'a perdu la plus petite occasion de se montrer stupide. On compterait aujourd'hui 6 Venises dans Paris si les commerçants retirés avaient eu cet instinct des grandes choses qui distingue les Italiens. De nos jours encore, un négociant milanais lègue très bien 500 000 francs au Duomo pour la dorure de la Vierge colossale qui en couronne la coupole. Canova ordonne, dans un testament, à son frère, de bâtir une église de 4 millions, et le frère y ajoute quelque chose du sien. Un bourgeois de Paris, et tous ont, comme Rivet, un amour au cœur pour leur Paris, penserait-il jamais à faire élever les clochers qui manquent autour de Notre-Dame? Or, comptez les sommes recueillies par l'État en succession sans héritier. On aurait achevé tous les embellissements de Paris, avec le prix des sottises en carton-pierre, en pâte dorée, en fausse sculpture consommée depuis 15 ans par les individus du genre Crevel. Au bout de ce salon se trouvait un magnifique cabinet meublé de tables et d'armoires en imitation de boules. La chambre à coucher, tout en perse, donnait également dans le salon. L'acajou, dans toute sa gloire, infestait la salle à manger, où des vues de Suisse, richement encadrées, ornaient des panneaux. Le père Crevel, qui rêvait un voyage en Suisse, tenait à posséder ce pays en peinture jusqu'au moment où il irait le voir en réalité.